Chapitre 16e. Un philosophe nous assure que l'homme normal, rouvrant les yeux à la lumière du jour après un sommeil réparateur, est généralement porté à considérer son semblable comme un dieu et le monde comme un paradis, tant le calme de la nuit, une séparation temporaire, aura séréné son cœur, réveillant lui de bienveillance pour les choses et les gens. Une pareille illusion, si elle existe, ne peut jamais être de bien longue durée, et ne peut guère en tout cas résister à l'épreuve du premier déjeuner, car c'est là que les gens d'humeur atrabilaire, abondant toute communauté, ont coutume de se montrer particulièrement désagréables, et comment dès lors persister à les regarder comme des dieux. Au lendemain de l'arrivée des élus, Anna se réveilla dans le vrai monde olympien. Un délicieux soleil d'avril inondait son oreiller. Elle n'eut qu'à ouvrir sa fenêtre pour demeurer convaincue que ce monde est un lieu de délices. Juste au milieu du gazon verdoyant s'élevait un cerisier en fleurs, exquis dans sa parure printanière. Les abeilles butinaient affairées, les oiseaux jasaient et jargonnaient à pleine gorge. Cette joie irraisonnée qui s'emparait de Miss Escort par les beaux jours l'envahit toute. Elle se sentit pleine d'espoir et de confiance. Le monde, ce monde merveilleux d'une matinée de printemps, était assurément un endroit fait à souhait pour le bonheur et l'amitié. Tout ce qu'elle voyait était beau et bon. Delvig lui-même semblait moins rébarbatif à la réflexion, et tout en s'habillant, elle se reprochait vivement son découragement de la veille. Car il n'y a pas à dire, elle s'était sentie découragée. Et pourquoi? Tout simplement parce que fatiguée, elle s'était laissée dominer par ses émotions, n'avait pas su arriver à cette maîtrise de soi, noble objet de son ambition, se laisser effrayer par la grosse voix et l'entêtement de son régisseur. Quelle puérilité! Et elle gourmande sévèrement son moi de la veille, ce pauvre moi abattu, tristement affalé au pied de son lit, trop découragé même pour y chercher le repos. Et pourtant Anna, poursuivant son examen de conscience, dut s'avouer elle-même que la visite et la voix tonitruante de Delvig n'avaient pas été les seules causes de son désarroi. Non, il y avait autre chose. La veille au soir, comme elle se retirait dans sa chambre, des doutes terribles l'avaient assaillie. Doutes sur ses trois nouvelles amies, sur leur faculté de rendre tendresse pour tendresse, de comprendre et de partager un seul de ses sentiments. Doutes sur la délicatesse de leur âme. Même, un affreux moment, ne s'était-elle pas prise à douter que ses élus possédassent une âme. À ce point de la méditation, elle n'eut d'autre recours que de souffler sa bougie en toute hâte. Après quoi, selon la coutume des personnes jeunes, saines de corps et d'esprit, sa tête n'eut pas plutôt touché l'oreiller qu'elle s'endormit et ne fit qu'un somme jusqu'au matin. Et maintenant, le mode divin de l'éveil ayant chassé tous les doutes et toutes les ombres, elle descendit d'un pas léger, porté par l'espérance. Toutes ses pensées étaient joyeuses et confiantes. Il n'y aurait aucun choc, aucun malentendu en cette aube d'une vie nouvelle. Les regards affectueux des nouvelles amies se mêleraient dans l'intime communion des agapes matinales. Elles ne liraient mutuellement dans leurs yeux que candeur, amour, promesse de bonheur. Elles seraient pareilles à de tendres et aimantes sœurs. Par la porte ouverte du vestibule, toute la maison se remplissait des fraîches senteurs d'avril. Jeunes pousses, vieilles feuilles, terreaux remués, aiguilles de pin, mousse humide, manteau vert des marais, gazon velouté. Oh, le délicieux, délicieux matin! Soupira Anna, s'élançant sur le perron, ouvrant ses deux bras comme pour prendre et serrer sur son cœur toute la beauté environnante. Puis, avec un long soupir, elle rentra, murmurant à demi-voix les premières notes du Magnificat. Mais la porte du couloir menant aux régions culinaires se trouvait entr'ouverte. Clouée sur place par la surprise, Anna vit distinctement la baronne Elmreich dans ce couloir, refermant sans bruit la porte d'un placard. Le Magnificat s'interrompit brusquement. Miss Escort demeura stupéfaite. Que faisait la baronne dans cet endroit et qu'avait-elle à voir dans le garde-manger? De son côté, la baronne vit Anna, debout et immobile sur le seuil. Mais dans le demi-jour du vestibule, elle put croire qu'elle la voyait de dos. Espérant n'avoir pas été surprise, elle poussa doucement la porte et attendit le moment de s'esquiver sans être aperçue. Anna se dit peut-être que la princesse était en train de montrer de fond en comble la maison aux nouvelles venues et elle entra dans la salle à manger. Mais non, la princesse était assise à table occupée à préparer le café. « Vous voilà !» fit Madame de Penheim en se retournant. « C'est gentil. Nous allons déjeuner, toutes deux, avant que les autres descendent. Vous êtes sortie ? Vous sentez bon l'air frais? Seulement sur le perron. Asseyez-vous là, près de moi. Je vois que vous avez bien dormi. Voici la première tasse de café, c'est la meilleure. Je ne devrais pas prendre la meilleure quand j'ai des invités, fit Anna souriante. Si fait, si fait. D'ailleurs, ce ne sont pas des invités. Avez-vous oublié que ce sont des sœurs? C'est vrai. La baronne a déjà déjeuné? Non, elle n'est pas encore descendue. Mais je viens de la voir, je vous croyais ensemble. Voyons, mon enfant, de si bonne heure. Laissez-moi le temps de respirer. Je l'ai assez vue hier soir. Elle m'a suivi dans ma chambre et m'a tenu une bonne heure. Vous ne voudriez pas que je recommence, même pour vous faire plaisir. Et la princesse lui sourit très affectueusement. Elles déjeunèrent, causant gaiement de toutes choses. Vous allez refaire du café, n'est-ce pas? Demanda Miss Estcourt quand elles eurent à peu près fini. Les autres vont descendre, et pour elles, je voudrais qu'il fût exquis. La voix d'Anna prit une inflexion tendre, rien qu'en prononçant ce mot, les autres. Jamais elle n'en avait de semblable pour parler à Madame de Penheim ou à Monsieur Delhomme. C'est que cela était fort. Il n'avait aucun besoin de son appui pour se tenir debout, tandis qu'elle, les pauvres autres, faisaient un si pressant appel à sa pitié, à son soutien. Oh, comme elle saurait les protéger, les défendre! Elle serait comme un bouclier entre elle et les duretés d'un sort injuste et cruel. Deux de ces victimes du sort entraient justement, l'air morose et congelé. Repoussant sans lieu la fâcheuse vision du garde-manger, Anna courut à leur rencontre, les mains tendues, leur souhaitant la bienvenue, dans un allemand gracieux, bien qu'incorrect. Frau von Treumann fit de louables efforts pour répondre à tant de chaleur, mais elle avait l'estomac vide, et elle était de bien bonne heure pour se montrer enthousiaste. Et le matin à jeun, elle avait la coutume invariable d'être de méchante humeur. Quant à la baronne, plus pâle et morfondue que jamais, elle reçut avec une glaciale froideur les avances d'Anna et ne souffla pas mot de l'avoir entrevue. Quelques instants plus tôt, toute son attitude indiquait nettement le désir d'être laissée tranquille. Bref, l'occasion de se regarder dans les yeux avec amour et confiance se fit désirer. Cependant, la princesse se retira pour vaquer à ses occupations ménagères. Frau von Treumann, ayant consacré un temps raisonnable à se restaurer, après qu'on eut, sur sa requête, attisé le feu et soigneusement clos portes et fenêtres, elle commença, ranimée par la bonne chère, à dégeler notablement. « Voici le portrait de mon fils, » dit-elle en exhibant une enveloppe et une photographie. « Je l'ai descendu tout exprès pour vous le montrer. Croiriez-vous que j'ai déjà reçu une longue lettre de lui ce matin ? Il ne néglige pas sa vieille maman. Ah ! Quelle joie qu'un bon fils pour une pauvre veuve !»« Ce doit être en effet une grande consolation, » dit Anna. La baronne tourna lentement ses yeux ternes vers le portrait. « Zo, » pensait-elle, « déjà le fils. Notre cher Treumann ne perd pas son temps. « Il est beau garçon, mon Carlton, n'est-ce pas ?» continuait l'autre. « Son uniforme paraît fort joli, » dit Anna. « Joli, il est adorable, tout simplement. Mais c'est à cheval qu'il faut voir Carlton, got. C'est en grande partie à cause de l'uniforme que j'ai tenu à ce qu'il entre dans les hussards rouges. Il le porte divinement. On dirait que cette tenue a été inventée tout exprès pour faire valoir sa taille élégante et légère. Ce n'est pas lui qui marcherait sur les pieds des dames. Ce pauvre monsieur Delhomme a manqué m'écraser le gros orteil hier soir. J'ai eu grand-peine à ne pas crier. J'avoue, pour ma part, ne rien trouver de si admirable dans ces gens qui semblent avoir été fabriqués en maître. On s'attend toujours à les voir donner de la tête dans le plafond. Il est un peu long, certainement, fit Anna en riant. Bon, le cœur n'est pas touché, pensa par soi Madame de Treumann. Dites-moi, ma chère Miss Estcourt, reprit-elle en posant sa main sur le bras de sa jeune hôtesse. « Il ne faut pas m'appeler Miss Estcourt. Comment faut-il donc que je vous appelle ? Anna. Nous sommes toutes sœurs désormais. Vous aussi, vous m'appellerez Anna, n'est-ce pas ?» se tournant vers la baronne. « Vous êtes bien bonne, » murmura froidement celle-ci. « Eh bien, ma petite sœur, » reprit Frau von Treumann avec enjouement, « ma bébé-sœur. »« Bébé-sœur, de mieux en mieux, » pensa la baronne. « Car une vieille femme comme moi ne pourrait avoir une sœur de votre âge. »« Mais si fait, pourquoi pas ?» Pas une sœur tout entière, peut-être, mais une demi-sœur. Comme vous voudrez. L'idée m'est très douce. Mais je voulais vous parler de la lettre de mon Carlton. Ah, elle est si touchante, si pleine de bons sentiments, de hautes pensées. Elle se mit à tourner les feuillets, il y en avait trois, et commença à user avec énergie de son mouchoir de poche. Il vous écrit très longuement, fit Anna, un peu inquiète. La persistance avec laquelle Frau von Treumann se mouchait, lui faisant redouter une tempête de larmes dans le genre de celle de la veille. « Vous êtes enrhumé, chère Frau von Treumann ?» demanda la baronne. « Ach nein, doch nein !» murmura l'autre, tournant toujours les feuillets en continuant à se moucher avec un bruit de cornemuse. « Pauvre femme !» pensait Anna. « Comme elle aime ce Karlchen !» Il y eut une pause, remplie par un solo de cornemuse. Sa lettre est admirable, mais bien, bien triste. Reprit enfin Frau von Treumann en secouant la tête. « Pauvre enfant, pauvre cher enfant, seul, séparé de sa mère. Certes, je savais que je lui manquerais, mais je ne soupçonnais pas jusqu'à quel point il souffrirait de l'absence. Ah, ma chère Miss Estcourt. Eh bien, Anna, puisque vous le voulez, avec un faible sourire, comment vous décrire le déchirement, le terrible, l'affre déchirement que j'éprouvais en me séparant de celui qui, depuis 5 ans, il y a 5 ans que je suis veuve, depuis 5 ans, fut tout pour moi. Ce doit avoir été bien pénible, murmura Anna, sympathique. La baronne, très droite sur sa chaise, contemplait la Treumann avec une fixité de chouette. En me quittant, ses dernières paroles furent celles-ci. Quand donc te reverrai-je, ô ma mère bien-aimée? Et je n'ai pu lui répondre, lui donner le moindre espoir. Elle cacha ses yeux dans son mouchoir. Je vois encore sa taille élégante s'effacer peu à peu sur le quai de la gare, tandis que le train m'emportait à toute vapeur vers une vie inconnue. Poursuivit d'une voix étouffée sa mère en pleurs. Un fils unique, le fils unique d'une veuve, hélas, il est tout, tout pour elle. Cela se comprend, fit Anna. Il y eut un nouveau silence, puis, s'essuyant les yeux, Madame de Treumann reprit sa lettre. On croirait que je l'ai quittée depuis des années. Il y a 2 jours à peine que je suis partie, fit-elle en haussant les épaules d'un air de compassion tendre. « Pauvre petit, pauvre enfant, écoutez ceci. Il faut absolument que je te voie de temps à autre, chère, chère maman. Si j'avais compris ce que serait cette séparation, jamais je ne t'aurais laissé partir. Demande à Miss Estcourt, supplie-la. »« Hein ?» pensa la baronne. « De me permettre de visiter parfois ma mère. Il doit y avoir une auberge dans le village voisin. » En tout cas, je pourrais descendre à Stralsund et ne l'importuner en aucune manière. Mais il faut que je voie ma mère, cette mère idolâtrée, que j'ai seule protégée et chérie depuis la mort de mon père. Pauvre enfant, il est au désespoir. Elle replia la lettre, secoua la tête, eut un sourire navré et d'un geste brusque, enfouit de nouveau son visage dans son mouchoir. Excellent, Treumann, pensa la baronne, les yeux plus ouverts que jamais. Anna, cependant, demeurait perplexe. Les fils ne faisaient pas partie de son programme. Elle se rappelait que dans la correspondance initiale, on avait simplement mentionné celui-ci comme un officier vivant de sa solde, incapable d'en détourner un sou en faveur de sa mère. Il n'avait pas été soufflé mot d'un attachement exceptionnel entre eux, et maintenant il semblait que la mère et le fils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre. Certes, dans ce cas, il serait affreux de les séparer. Anna voyait dans l'amour maternel le sentiment le plus admirable du monde. Devant ces profondeurs inconnues, ces hauteurs vertigineuses, elle demeurait plongée dans un respect muet. Comment, simple jeune fille, ignorant tout de la vie, pourrait-elle en sonder les mystères sacrés, oser prétendre se placer entre une mère et son enfant? Impossible, ce serait un crime véritable. Et pourtant, elle souhaitait qu'on laissât le temps de réfléchir. Elle regarda Frau von Treumann, indécise, vaguement confuse, et lui pressa doucement la main. La main de la dame demeura inerte, son visage enfoui dans son mouchoir. Après tout, on ne pouvait pas décemment séparer à jamais une mère et son fils. Quel mal y aurait-il à ce qu'il vînt quelquefois? Pas trop souvent. Prenant son courage à deux mains et faisant de son mieux pour dissimuler sa contrainte. « Eh bien, il faudra qu'il vienne quand cela lui sera possible, dit-elle. Mais c'est un bien long voyage. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez dû passer une nuit à Berlin? Oh, ma chère Miss Estcourt. « Ma chère, chère Anna !» s'écria Frau von Treumann, laissant tomber son mouchoir et pressant ardemment les mains de la jeune fille dans les siennes. « Quel poids vous m'enlevez de sur le cœur! Quel lourd, lourd chagrin! Toute la nuit, ne pouvant fermer l'œil, je pensais « Comment, comment supporter l'absence ?»« Alors c'est convenu, je puis lui écrire, lui transmettre votre message. Le voyage est long, dites-vous. Vous craignez la fatigue pour lui ?»« Ah, qu'est-ce qu'un peu de fatigue pour mon Karlchen, pourvu qu'il voie sa mère !» Comment vous remercier? Vous allez trouver ma gratitude exagérée pour une chose si simple, mais si vous saviez ce que c'est qu'un cœur de mère. Ah Dieu, quelle impatience! Je vais lui écrire sur l'heure. que les jours vont me paraître longs. » « Manœuvre est honté, » murmura par soi la baronne.